La sixième conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée aura lieu à Pyongyang à la mi-novembre de l'an 105 du JT 2016. La conférence dressera le bilan des activités de l'Union des femmes qui a joué le rôle de fiable collaboratrice et du courroie de transmission du parti dans l'œuvre sacrée pour la transformation de toute la société selon le gimsonisme gimjonglisme et présentera des tâches pour remplir la mission de l'organisation révolutionnaire des femmes dans la lutte pour appliquer la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.